5, je suis de retour. Tu voulais voir le king lutter comme Martin. Je suis le front qui dans la porte qui fait bondir ton père dès le matin. J'ai pas de muse abruti, ma seule muse c'est la street. Les frères muses, les frères qui font mumuse. Et ceux qui abusent sur l'islam, c'est préceptes. Ainsi que ces 73 secs. Déposer les armes, ouais, je compte jusqu'à 47. Des refaites, je t'aimerais. Avec un cœur en plastique, je suis de Paris. C'est toujours un peu Walking Dead à Bastille. Pour Farid, Macan, le petit air de Astin. Le bédo, ça rapporte, mais l'héroïne l'a rendu à spin. Anesthésie locale, c'est une opération. Ouais, ouais, j'ai plus d'inspiration que d'expiration. Melinda Gate, Melinda Gate, oh, no. Melinda Gate, c'est pas nous. Melinda Gate, Melinda Gate, oh, no. Signe au dos du chèque, Melinda Gate. Face up. Melinda Gate, Melinda tout Gate. Pourquoi les balles perforent les crânes et les joues? Quand t'apprends que le quartier tourne à 60 000 euros au jour, on se dissout. On se tire dessus pour des petits sous. Tant qu'à faire, je préfère encore de voir de l'oseille à Picsou. C'est le peura. On perce avec des propos odieux. C'est pas en CE2, t'apprends la roca du CO2. Réveille-toi. Ils veulent interdire la fessée. Ma langue est une épée.